Incroyable, t'as pas eu à cliquer sur ignorer l'annonce avant de voir cette vidéo. Eh ouais, bienvenue sur la dernière chaîne YouTube sans pub. Et tout de suite, Boba, vous nous récitez un petit poème de sa composition. Sur mes feuilles de personnages, sur mon pupitre, les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur tous les déroulés, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom, Boba. Sur les caraques dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Oh, merci Boba. C'était vraiment émouvant. Attends, je vais te mettre. Tac, je vais te mettre là. Un petit peu comme un Tarzan, mais lagomorphe, quoi. Voilà. Ok. Bah, salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Bon, je mange une petite tomate cerise à ta santé. Donc aujourd'hui, on va parler de liberté d'action. Pour ça, je me suis mis un peu au grand air. Et liberté d'action des personnages. Alors, ça mange quoi en hiver? En fait, je ne vais pas parler de la liberté d'action des joueuses. C'est deux choses différentes. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Ça veut dire que dans le cadre de ma vidéo, quand je parle de liberté d'action des personnages, tu pourrais éventuellement avoir une feuille de personnage très scriptée avec des objectifs roleplay. Enfin, grosso modo, on dit beaucoup à la joueuse quoi faire. Mais quand même que les personnages, eux, ils aient une liberté d'action importante. Et de même, ça veut dire que je ne vais pas non plus parler de narration partagée, type de joueuses qui peuvent créer du décor, des figurants, gérer des décors, des figurants. Non, non, c'est pas de cette liberté-là dont je vais parler, c'est vraiment la liberté d'action des personnages. Ça veut dire que dans les situations données, les personnages, ils ont une pluralité d'options d'action, ils peuvent faire plusieurs choses, ils ont le choix entre plusieurs choses différentes à faire, voire même ils ont une infinité de choix possibles, quoi. Et donc, bah, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il faudrait privilégier la liberté d'action? Qu'est-ce que ça apporte? Première chose que ça apporte, évidemment, c'est une plus grande interactivité, quoi. Pour moi, l'interactivité, c'est ça. C'est devant une situation donnée, un personnage, donc ton personnage qui est un peu ton média dans le jeu de rôle, quoi, ton outil, quand tu es joueuse, et ben, ton personnage, il peut faire plusieurs choses, il peut réagir de plusieurs façons et ça va. Ça va faire réagir le monde différemment en fonction de ce qu'il fait, quoi. Et du coup aussi, c'est pour que le jeu de rôle, ce soit une expérience qui soit un peu différente du jeu vidéo. Alors, je suis d'accord qu'en jeu vidéo, il y a une interactivité. Les personnages ont souvent une certaine liberté d'action, mais c'est bien une certaine. Je pense qu'en jeu de rôle, on peut avoir une plus grande liberté d'action que dans un jeu vidéo. Je prends par exemple, même dans les mondes ouverts, en jeu vidéo, on sent bien quand même qu'on n'a pas prévu une infinité de possibilités pour tes personnages. Il y a des endroits précis où c'est intéressant d'aller, il y a des autres où tu vas y aller, tu vas juste rien trouver d'intéressant à voir ou à faire, quoi. Donc voilà, je pense qu'en jeu de rôle, on peut ouvrir davantage les possibles, hein. Et puis, je pense aussi que ça apporte de l'immersion, de la liberté d'action des personnages. Le fait que tu puisses faire plusieurs choses, ben, ça sonne comme plus réaliste, quoi, comme plus réel, quoi. Tandis que quand on scripte tes actions, ben, ça l'est moins, quoi. Enfin, pas quand on scripte tes actions, mais que tu n'as qu'une action possible, quoi. Alors, il y a aussi des fois où, si tu veux, la liberté d'action, c'est pas toujours le Graal, quoi. Alors, dans quelles conditions la liberté d'action, on va pas trop en vouloir? Eh bien, c'est pas glauque en fait. Bah, notamment si les PJ font n'importe quoi, s'ils utilisent mal cette liberté d'action pour faire des choix débiles ou pour faire des choses qui sont choquantes. C'est compliqué aussi quand on a un cadre, un canon esthétique assez strict, assez exigeant, assez complexe, et que les joueuses du coup font des actions qui ne seraient pas dans le canon esthétique. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être mon fameux pilote imprudent, mon fameux pilote prudent à Star Wars, tu vois. Fais pas des loopings avec le vaisseau. Tout comme à l'inverse, je sais pas, un jeu de rôle d'espionnage qui se voudrait un peu réaliste, sérieux, et qu'il y a un joueur qui décide de tirer sur tout le monde sans réfléchir, de faire des actions très. De dire son nom à tout le monde, tu vois, enfin de jouer comme s'il était James Bond alors qu'on a voulu un truc d'espionnage un petit peu sérieux ou un petit peu undercover, quoi. Voilà, on n'est pas là. Comment, si on est là pour raconter une histoire bien précise, donc bah, notamment parce qu'il y aurait par exemple un scénario, tu vois, que ce soit avec ou sans MJ, hein, parce que je rappelle que je parle des scénarios dans les jeux sans MJ, hein, et ben voilà, si on apprécie, si entre guillemets il y a un déroulé assez précis, ben ouais, la liberté d'action ça va poser problème. Il y a des moments tu vas voir la brider pour dire non, parce que là c'est important que les personnages fassent cette chose-là, quoi. C'est aussi compliqué la liberté d'action des personnages en fait si MJ n'est pas en capacité cognitive sur le moment, soit de gérer des groupes séparés, puisque souvent la liberté d'action c'est la liberté de chacun partir dans une direction différente, tu vois. Donc ça compliqué cognitivement à gérer pour MJ. Ou tout simplement, si MJ n'est pas en capacité cognitive de gérer des sorties de scénario et de devoir improviser en fonction bah là, des idées des joueuses, quoi. Et bien maintenant, avant de passer au conseil, bah voilà, pour émuler un peu plus de liberté d'action, eh bien, il est grand temps de parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, ce ne sont pas les tomates cerises, non, non, c'est la classe prépa de jeux de rôlerie. Voilà, c'est une nouvelle filière qui vient d'ouvrir. Donc, eh bien, oublie le sommeil, les loisirs ou la socialisation, parce que dans la classe prépa de jeu de rôlerie, eh ben, tu vas apprendre pendant de longues heures, jour et nuit, tout ce qu'il faut savoir sur le jeu de rôle. Tu auras des calls sur la collection Sortir de l'auberge, tu vas suivre des cours sur les statistiques des lancers de dés, tu devras connaître toute la biographie de Gary Gygax, tu suivras des conférences de 5 heures sur la scénarisation par Fibre Tigre. Tu devras jouer en performance. Et seulement alors, eh ben, tu pourras espérer peut-être remporter une place dans l'un des prestigieux concours des grandes écoles de jeux de rôle et peut-être un jour devenir le prochain Julien Dutheil ou la prochaine Linou Major Zéro. Voilà, si tu veux en savoir plus sur cette nouvelle filière, eh bien, rends-toi sur ton site internet préféré de Parcoursup. Mais tout de suite, on reprend la vidéo. Bon, voilà, la liberté d'action des personnages, bah, c'est une bien belle chose, mais comment on fait pour la garantir? Donc là, je vais surtout m'adresser à MJ slash scénariste ou game designer qui dort en toi. Bon, bah, déjà, il faut demander souvent en fait aux joueuses, que faites-vous pour montrer que c'est ouvert à cette situation-là? Que faites-vous? Donc voilà, tac, on montre que ça peut s'embrancher dans plusieurs possibilités. Je pense qu'il faut aussi donner des bons scores de compétences aux joueuses, parce que en fait, la liberté d'action, c'est pas uniquement la liberté de pouvoir décider de faire une action, mais c'est la possibilité de réussir l'action, quoi. Donc, ben, par exemple. Si tu peux pas dire que ouais dans mon jeu de rôle on peut gérer les situations par le social si les personnages par exemple eh ben ont des scores tout pourris en social quoi donc il faut qu'ils aient des scores voilà en fait grosso modo la liberté d'action ça implique d'avoir un personnage qui est compétent et donc polyvalent parce que s'il sait faire qu'une chose il n'a pas de liberté d'action faut que ça soit compétent et polyvalent donc ça marche par une feuille de personnage on va dire généreuse au niveau des scores de compétences ou si tu fonctionnes pas avec les scores de compétences eh bien ça peut être en player skill c'est-à-dire que tu vas permettre aux joueuses d'utiliser ben, leurs connaissances dans la vraie vie pour faire réussir leur action dans le jeu. Ou tu peux faire aider par des PNJ, c'est-à-dire que, eh bien, par exemple, il y a une prise d'otage, fameux truc de social, il y a une prise d'otage, on voudrait pouvoir libérer les otages sans utiliser la violence, tu vois, mais clairement, les personnages, ils n'ont pas le niveau en social requis pour faire mener une négociation avec le preneur d'otage, eh bien, pas de souci, ils recrutent un PNJ qui est négociateur. Qui va faire la négociation à leur place Et donc, du coup, en fait, l'action qu'ils ont décidée, elle est quand même possible. Ils la font pas directement, mais c'est eux qui ont pris l'initiative de dire non, cette situation, on va gérer par le social. Ok, on embauche un PNJ qui fait le staff à notre place. Quitte à ce que, grosso modo, si tu veux, on peut quand même laisser les joueuses un peu driver ce négociateur en disant, genre, tu as tant de temps pour gérer la négociation, on voudrait que tu insistes sur tel point, et après, bon, bah, le négociateur fait un petit peu l'interface, la facilitation, quoi, grosso modo. Ça veut dire aussi, bien sûr, bah, accepter des solutions alternatives à ton scénario. Tu peux avoir un scénario qui est assez dirigiste, assez monorail, mais voilà, si les joueuses, elles ont une initiative qui est vraiment percutante, intéressante, game-changing, eh ben, voilà, tu t'adaptes, tant pis, et tu casses un peu ton scénario dirigiste pour, bah, voilà, justement, émuler cette liberté d'action. Alors, à l'inverse, bien sûr aussi, plutôt que de proposer un scénario monorail et t'adapter en impro, tu peux proposer dès le départ un scénario qui propose quelques choix, voire un scénario arborescent, donc là, du coup, avec beaucoup de choix, ou carrément un scénario bac à sable, monde ouvert, tu vois, donc avec vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Donc, je te renvoie à ma vidéo sur la scénarisation. Parmi les scénarios, je dirais, les plus ouverts, il y a le bac à sable du quotidien. Il y aura une vidéo sur le sujet. Tu peux aussi ne pas avoir, carrément ne pas avoir de scénario, faire ce qu'on appelle du centré sur le personnage, c'est-à-dire que tu vas surtout rebondir sur les objectifs des personnages. Et donc, là aussi, t'inquiète pas, il va y avoir une vidéo sur le centré sur le personnage. Mais c'est incroyable, cette chaîne, c'est un véritable écosystème. Il y a réponse à tout, mais tout est intriqué l'un dans l'autre. C'est totalement fou. Et en plus, je fais ça devant un arbre. Hasard ou coïncidence? Mystère. Donc voilà. Dernier point sur comment garantir la liberté d'action. Alors certes, la liberté d'action, ça se donne par une scénarisation qui est appropriée, qui est assez libre, comme j'ai précisé avant, mais aussi ça va s'encourager par des paroles, c'est-à-dire que pour que tes joueuses utilisent leur liberté d'action, il faut qu'elles se sentent libres. Ça veut dire qu'on va rassurer les autres joueuses sur le fait qu'elles peuvent prendre des initiatives pour leur personnage, qu'on va rebondir sur leurs idées, qu'elles sont légitimes, que leurs actions ne seront pas considérées comme inutiles, folles ou ridicules, quoi. Donc, il y a ce côté un peu être fan des joueurs des personnages, quoi. Cette phrase ne veut rien dire. Être fan des personnages des joueuses, tu vois. Donc, si, dès que, voilà, on va se dire que, ah, tu fais ça, tu bois de l'essence, super, mais vraiment, une idée trop cool, pas de souci, vas-y. Alors, ceci dit, là je rebondis sur cet exemple de tu bois de l'essence. La liberté d'action ne veut pas dire que les PJ sont immortels ou ont une immunité à tout, tu vois. C'est-à-dire que je pense que pour valoriser cette liberté d'action, il faut que le monde réagisse eh ben, aux actions des personnages. Ça veut dire que si les personnages font un fumble ou font une action particulièrement débile ou risquée, il peut y avoir des conséquences négatives pour eux, quoi. C'est important qu'il y ait des conséquences. Des fois, elles sont positives, des fois, elles sont négatives. Mais quand les conséquences sont négatives, c'est pas pour sanctionner la joueuse, dire t'as mal fait d'avoir eu cette idée et tout. C'est dire ok, bon bah là, t'as pris cette idée, elle est un peu folle. Là, visiblement, ça, c'est comment les résultats sont plutôt négatifs pour le personnage. Mais en tant que joueur, en tant que MJ, on aime ce que tu as fait, tu vois, parce que c'était fou, c'était osé, il y avait une chance que ça marche et tout, ça a amené des rebondissements intéressants et on va jouer là-dessus sur cet échec, quoi. Et pour finir là-dessus, j'aimerais un peu te dire, donc j'ai dit qu'on écartait tout ce qui était narration partagée, mais quand même, je pense que la liberté d'action, c'est un bon chemin vers ensuite. Ce qu'on appelle l'intercréativité. Donc l'intercréativité, c'est le fait que ce soit pas uniquement MJ qui soit la personne créative dans la partie, mais tout le monde, toutes les joueuses sont créatives et c'est intercréatif dans le sens où on rebondit sur les créations des uns et des autres, on co-construit. Alors la première chose qui fait vraiment le lien, moi je dirais, c'est donner des compétences de crafting aux personnages. C'est-à-dire que si les personnages peuvent construire des objets, peuvent construire son architecte, peuvent construire des maisons, ou pourquoi pas, je sais pas, élever des enfants, former des PNJ, enfin tout ça, façonner le monde, et eh ben déjà, tu vois, il y a cette part de créativité. Mais là, c'est intéressant parce que c'est le personnage, tu vois, en quelque sorte, qui est créatif, et non pas la joueuse, quoi. Mais bon, quand même, la créativité des joueuses va s'exprimer par ce biais-là et façonner le monde, alors qu'on a un mode de partage de narration qui est très classique. Mais évidemment, on peut aussi partager un peu plus la narration, déjà en laissant un peu plus libre cours pour la création de personnages et le background. C'est vraiment les joueuses libres. On a parlé des compétences. Ben peut-être oublier, tu sais, de dire, OK, tu as tant de points de compétences. Non, non. Et tu mets tes points dans les compétences, mais comme tu veux, pour avoir les personnages qui correspondent plus à ton idée, qui soient polyvalents comme tu aimes et tout. Et tu sais, les joueuses n'abusent pas hein, quand on leur propose ça. Enfin, je pense que c'est des personnages un peu, souvent quand même un peu plus avec un peu plus de points que si tu fais le système de création naturel. Mais ils vont jamais, les joueuses vont jamais faire des personnages qui sont à 20%, à 20 sur 20 partout. C'est pas le cas. Ils vont faire des personnages qui ont des failles, des faiblesses, mais qui sont polyvalents et intéressants, quoi. Donc, et puis pareil pour le BG, quoi. Les joueuses n'abusent pas, elles vont se créer des problèmes, ça va être intéressant. Et pour finir, bah, évidemment, la dernière étape, c'est la fameuse narration partagée, donc avec ou sans MJ, mais que tu laisses, en fait, voilà, les joueuses avoir un peu plus la main sur les décors et les figurants, cette fois-ci plus en tant que par le biais de leur personnage, mais par le biais des joueuses. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a intéressé. Comme toujours, c'est vraiment très très important qu'on parle de tout ça dans les commentaires, que ce soit pas un monologue. Et puis, j'ai besoin de toi évidemment pour soutenir la chaîne. Donc n'oublie pas qu'il y a le Patreon, tu peux t'abonner, tout ça. Et maintenant, je te fais des gros bisous.